Son papa, sa joie, il n'est plus là. Ils disent que c'est la loi. Les hommes en noir ont choisi. Bonheur perdu, bonheur enfoui. L'oiseau dans la cage, il l'a libéré. Son père, lui, on l'a cloisonné. À 4h30, la solitude vient le chercher. La nuit, réveillée par des pleurs. Sa mère, difficile pour un mouflé. De comprendre que la justice peut séparer deux grandes personnes qui se sont aimées. Une peine de 15 ans. Est-ce que c'est long, maman? Pour lui, c'est toute une vie. Entre amoureux, clou et regret. L'enfance file à une allure immodérée. Le temps ne peut se rattraper. Le temps ne peut se rattraper. Tel père, tel fils. Que fera-t-il aujourd'hui? Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Que fera-t-il pour sa vie? Tel père, tel fils. Que fera-t-il aujourd'hui? Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Que fera-t-il pour sa vie? Mais c'est chaque année qu'il s'en passait. Sur son visage d'ado trop vite marqué. Le poids de l'absence pour deux, trop lourd à porter. Puis l'amour pour le père laisse place à la haine du géniteur. Et sur le mur du salon, une vieille photo dont le cadre a trop souvent été brisé. Et qu'on s'est lassé de remplacer. Remplacer. Pour pallier l'absence, les bras de la mère ne suffisent plus. Ni même les substances et autres substituts. Et sur le visage de la mère, il est l'auteur de quelques traces de coups bien placées. Ça lui a échappé, trop dur de l'avoir traîné. Trop dur d'imaginer que ce seul parent qui lui reste pourrait à son tour s'éloigner. Et chaque soir, devant son miroir, les mêmes images dans ses mémoires. Face à son reflet, il se dit qu'il finit par ressembler à cette pourriture qu'il a créée puis abandonnée. Tel père, tel fils, que fera-t-il aujourd'hui? Tel père, tel fils, tel père, tel fils, que fera-t-il pour sa vie? Tel père, tel fils, que fera-t-il aujourd'hui? Tel père, tel fils, tel père, tel fils, que fera-t-il pour sa vie? Yo, son nid, l'enfant a mûri sans barrière. Enfant mentri, fut que sa tox de mère. Depuis tout petit mépris, c'est lui qui les a abandonnés. Sa mère ternée, il grandit en prison. Voilà son seul foyer. Le temps ne peut se rattraper. Les choix, le corps d'un père mort. Tout ça porte de l'or qui s'évapore. Est-ce dépêché de ses pères? Victime de ses pères irresponsables. Tous ces grains de sable ont fait de cet enfant à l'homme un être associable. Sorti du placard, pour ses textes-là, ça fait un cauchemar. À présent, esprit les dettes de ses pères finit par être sa raison d'être. Maintenant que l'enfant a vieilli sans amour, le temps peut-il se rattraper? Tel père, mais quel fils!